se sont embarqués pour échapper à leur chagrin. Bon vent, bonne marée, vous voilà devenus marins, le cœur accroché aux gisants. Vos espoirs s'en vont chavirant, les naufrageurs des sentiments ont saccagé vos cœurs d'enfants. Dans la baie des trépassés sont ensevelis vos tourments. Surtout ne rien regretter, vos âmes deviendront goélands. Toutes les marques des chansons ont balayé vos illusions. C'est une histoire d'amour à mort, vous ne reviendrez pas au port.